Comme chaque lundi, on parle de vivant. Aujourd'hui, on plonge dans les racines du vivant, dans notre ADN. Il y a 40 ans, l'équipe de Frédéric Sanger en Grande-Bretagne séquençait pour la première fois de l'histoire l'intégralité du génome d'un organisme vivant, un virus bactériophage. 40 ans plus tard, non seulement il suffit de quelques minutes pour séquencer le génome d'un être humain, mais l'on peut, grâce à l'accroissement de la puissance de calcul des ordinateurs, séquencer un métagénome dans une goutte d'eau de mer, par exemple, ou déterminer le pourcentage d'ADN néandertal dans un individu homo sapiens, ou encore faire du travail de dentelle sur les gènes et même sur l'ARN avec les ciseaux CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas13. Génomique, l'ADN a-t-il tout avoué ? C'est le problème que nous nous proposons de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et oui, parce que si nous avons fait en 40 ans des progrès considérables dans nos connaissances des mécanismes génétiques et du fonctionnement de l'ADN, plus on en apprend et plus on en découvre de nouvelles facettes, comme vont brillamment nous l'expliquer nos deux invités du jour. Bonjour Dominique Sopalionnet. Bonjour. Vous êtes professeur de génétique à la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes. Vous dirigez le service génétique de l'Institut Curie. Bonjour Pierre Tambourin. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général de Génopôle à Évry et membre de l'Académie des technologies. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour sur les ondes et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors je le disais à l'instant, 40 ans de génomique, quel que soit l'endroit où on place le point de départ, on l'a placé en 77 pour le séquençage intégral du virus, peut-être le placerez-vous à un autre endroit, peu importe. C'est en tout cas l'histoire d'une révolution et d'une contre-révolution. La certitude que l'on a mis le doigt sur le fonctionnement biologique de l'hérédité avec l'ADN, et puis le constat que finalement, tout ne s'explique pas si facilement à partir du seul ADN et du génome, Pierre Tambourin. Oui, c'est tout à fait exact. À partir du seul ADN, on n'explique pas tout, loin s'en faut, et heureusement d'une certaine manière, parce que nos problèmes seraient réglés aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout dans l'ADN, bien entendu. Je daterai, si vous le voulez bien, le démarrage de cette période à 30 ans plus tôt, c'est-à-dire en gros dans les années 40, où l'ADN était considéré encore à cette époque-là comme une molécule assez triviale et sans grand intérêt. En tout cas, sûrement pas impliqué dans ce qu'on recherchait à l'époque, qui était la question simple, quel est le support moléculaire de l'hérédité, de la transmission des caractères d'une génération à l'autre, et qui, d'une certaine manière, était aussi le système d'information du vivant. L'ADN était considéré comme une molécule support assez triviale, peu d'intérêt, etc. Et c'est à cette époque-là que, par des expériences que je trouve assez admirables, on a démontré formellement qu'un morceau d'ADN était capable de transmettre d'une bactérie à l'autre un caractère qui ensuite était transmis, lui, héréditaire. Une bactérie non pathogène devenait pathogène liée à la transmission de l'ADN d'une bactérie pathogène. Ça, ça a été le point déterminant. D'ailleurs, à l'époque, ça n'a pas été admis facilement et il y a encore eu quelques années de doute. Tout a démarré ensuite en 53 avec la découverte de la structure tridimensionnelle fameuse, la structure en double hélice, avec au fond l'explication de la transmission d'une génération à l'autre de ces caractères. Et puis ensuite, on a réalisé que l'ADN était un élément universel dans le vivant. De là, on démarrait les outils du génie génétique. Puis ensuite l'importance médicale et industrielle de cet ADN. Et c'est ce que nous allons essayer de parcourir au cours de cette heure, Dominique Stopalionnet. Vous partagez ce sentiment d'utopie, de contre-utopie, où d'un seul coup on s'est dit « Ah, on a trouvé la molécule qui transmet, qui est la baguette magique de l'hérédité, et puis plus on en apprend et plus on se rend compte que les mécanismes sont finalement beaucoup plus complexes que ceux qu'on discernait il y a 40 ans. » Oui, je crois que ça fait partie, je dirais, de notre humanité. Nous nous enthousiasmons avec une découverte, c'est vrai que les découvertes que l'on a faites et que Pierre Tambourin a très bien racontées sont formidables, et c'est très naturel. Nous nous enthousiasmons, nous pensons que nous allons tout résoudre. On fait, je dirais, deux pas en avant, un pas en arrière, et puis deux pas en avant. Mais je dirais que c'est pas le mot utopie, non, je ne conviens pas. Je trouve que ce sont des progrès fantastiques, mais qui nécessitent toujours être un peu mesuré, mais la résultante est qu'on avance. Revenons peut-être sur ces années 70, c'est-à-dire l'apparition de cette discipline que l'on va nommer génomique, à partir du moment où on a découvert l'ADN et qu'on commence à réussir à le séquencer. Peut-être faut-il, Dominique Stopalionnet, rappeler en quelques mots, on a parlé de la structure en double hélice, on a beaucoup parlé ici même autour de cette table dans cette émission d'ADN et des mécanismes de l'hérédité, peut-être les rappeler en quelques mots pour familiariser nos auditeurs avec les concepts que nous avons manipulés au cours de cette heure. L'idée le séquençage, c'est la détermination de la succession des paires de bases ou encore nucléotides qui composent notre ADN. Et il faut rappeler que notre alphabet génétique finalement est assez pauvre. Il est à 4 lettres, TCGA, 4. Donc quatre nucléotides différents, et ce qui fait la spécificité d'une région de notre génome, c'est la succession de ces lettres, à l'image qu'un mot est composé. Ce qui compte, c'est l'ordre des lettres et pas tant les lettres elles-mêmes. Et puis, pour aller un petit peu plus avant, ce qui, je dirais, a été une révolution, là je parle en génétique médicale, a été donc par là la capacité à séquencer les gènes. Et même avant de séquencer l'ensemble de nos gènes, ça a été d'identifier les gènes associés à certaines maladies génétiques dont le déterminisme est relativement simple. Et c'est, je dirais, l'explosion de la génétique médicale grâce à ce qu'on appelle au clonage positionnel. C'est-à-dire l'identification de gènes de maladies pour lesquels on n'avait pas véritablement d'idée sur le mécanisme, sur la physiopathologie de la maladie. On n'avait pas de gènes candidats, mais c'est pas une approche avec les familles présentant, pour lesquelles il y avait plusieurs patients atteints, qu'on a pu localiser, puis identifier le gène responsable. À partir de cette époque, donc de la fin des années 70 et dans les années 80, où la génomique commence à devenir une discipline à part entière, dans laquelle beaucoup de monde s'engouffre, on va voir que la notion de compétition en génomique va un peu structurer toute son histoire. On est à l'époque, Pierre Tambourin, de la cartographie génétique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces nucléotides, toutes ces paires de nucléotides n'ont pas la même valeur, entre guillemets, ou n'ont pas la même fonction, et que finalement, celles qui servent à quelque chose, c'est-à-dire les gènes, sont très très minoritaires par rapport à la quantité d'ADN qu'il y a dans les organismes vivants. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est une histoire assez fabuleuse, d'ailleurs, qui a sa version proprement française, puisque il y avait, on le savait déjà depuis un moment, 3 milliards de ces molécules élémentaires dont vient de parler Dominique, pour constituer l'ADN humain. 3 milliards de paires de bases alignées dans un livre 21-27 normal, ça fait 500 000 pages. Et il fallait rechercher dans ces 500 000 pages les pages pertinentes. Et on s'est rendu compte que beaucoup de pages semblaient sans sens. Donc et à l'époque, pour séquencer 500 paires de bases, il fallait plusieurs semaines. J'ai fait ça à la règle, pas facile. Et donc, par exemple, l'idée même de séquencer l'entièreté du génome humain, 3 milliards, paraissait totalement hors de notre portée. Même si tous les laboratoires du monde, à l'époque, se mettaient ensemble pour travailler sur le même projet. Ce qui fut d'ailleurs le cas, mais quelques années plus tard. Justement, à partir de quand, Dominique Stopalionnet, à partir de quand les techniques... Et puis, il faut aussi dire que les progrès de la génomique sont très liés, comme beaucoup de sciences appliquées ou de sciences du vivant aujourd'hui, aux progrès de l'informatique, qui vont permettre d'accélérer ces processus de séquençage chimique, ou de séquençage enzymatique qu'évoquait Pierre Tambourin, qui était effectivement très fastidieux. À partir de quelle époque commence-t-on à se dire finalement le génome humain est peut-être accessible, peut-être qu'on va réussir à le faire? Le séquençage s'est sorti en 2003, donc je pense, mais ça, Pierre, c'est bien mieux que moi l'histoire, puisque le Génopôle contribué, la France a contribué avec Génopôle à l'idée de séquencer l'entièreté du génome humain est née dans les années 85, par là. Mais déjà, ça paraissait utopique. Et ce qui a été déterminant, c'est l'automatisation des méthodes. Et en gros, remplacer ce que je faisais à la main avec une pipette man, remplacer ça par des robots. Ça a déjà beaucoup accéléré les choses. Mais il a fallu, comme le disait Dominique, pratiquement 10 gros laboratoires dans le monde se mettant tous ensemble avec la compétition d'une société qui s'appelait Celera, non pas au sens où on peut le comprendre, au sens de la vitesse, plus vite que tout le monde, qui a déterminé un avancement. Mais ça, on a mis plus de 10 ans, ça a coûté 3 milliards de dollars. Et vous le disiez en introduction, aujourd'hui, la même opération... C'est un peu plus rapide que quelques minutes, c'est quelques jours. Oui. Un, deux ou trois jours pour un génome humain. et c'est de l'ordre de 1000 dollars le génome humain. Donc on se rend compte qu'en 15 ans, il y a eu des progrès absolument déterminants et considérables dans les technologies. Et en gros, ça résulte de deux mots, technologie hautement parallèle et méthode physique et optique de lecture du génome. Alors parlez-nous, évoquez-nous cette histoire, Pierre Tambourin, puisque vous y avez assisté au premier chef, vous y avez participé. Il y a deux étapes. Hein. Il y a le laboratoire Généton de Daniel Cohen et Jean Weissenbach, d'abord à la fin des années 80, début 90, et puis Génopôle, parce qu'il faut préciser que la France est en pointe à l'époque. Oui, alors à l'époque, une association qui s'appelle l'Association française contre les myopathies et qui était une de ces associations de malades, comme il y en a beaucoup, visant à l'entraide entre les malades et à prise en compte de leurs problèmes, décide d'investir massivement dans la recherche grâce au fameux Téléthon. Mmh. Et comprend... Dont le premier numéro a lieu en 1987. Oui, c'est ça. On fête les 30 ans l'année dernière, en 86. Et à l'époque, l'AFM, Bernard Barato, son président, avait été très impressionné par le clonage d'un gène très long qui s'appelait le clonage du gène de myopathie de Duchenne, le gène souvent impliqué dans les myopathies. Et face à cette découverte sensationnelle par Anthony de Monaco, qui est un chercheur nord-américain, l'AFM comprend qu'il faut investir massivement dans la recherche génomique, dans la structure globale des génomes, pour essayer d'identifier les gènes responsables de toutes ces maladies. On les chiffre à 6, 7 000, même plus parfois. Donc il fallait rechercher. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, rechercher un gène, c'est chercher dans ces 500 000 feuilles réparties sur le sol au hasard, sans chiffres, sans numéro, sans rien, la bonne feuille au bon endroit. Et donc la première chose qu'on s'est donné comme travail, le premier travail qu'on s'est donné par l'AFM, qui a été le travail de Jean Weissenbach et de Daniel Cohen en France, et qui nous a positionnés au premier rang dans le monde à cette époque, on est dans les années 90-95, ça a été ce qu'on appelait les cartes génétiques et physiques du génome, qui ont permis de mettre des chiffres ou des nombres sur les pages. Et ça, ça a été déterminant pour ensuite rechercher, parce que quand vous trouviez un petit morceau de gène dans la page X, vous n'aviez pas de mal à aller rechercher où il était dans les autres pages. Quoi. Et ça, il faut bien repréciser aussi, parce que c'est important et parce que ça va être un peu le cas, c'est dans le cadre vraiment aussi d'une collaboration et d'une compétition, certes, mais aussi d'une collaboration internationale. Ah, c'est-à-dire que Jean Weissenbach et Daniel Cohen, ces cartes génétiques et physiques du génome humain, ils les ont mis à disposition. Ils les ont mis à disposition complètement, immédiatement l'ensemble des scientifiques mondiaux dans ces domaines-là, ce qui a d'ailleurs conduit Jean Weissenbach à être le scientifique le plus cité au monde pendant plusieurs années, grâce à ses travaux qui ont été, je le rappelle, lancés par l'AFM, ce qui est assez surprenant. Et on avance un peu dans le temps, parce qu'il faut qu'on parle vous allez voir que ce ne sont que le début des progrès et qu'il y a une accélération encore assez spectaculaire dans les années 2000-2010. Nous arrivons donc, Dominique Stoppa-Lyonnais, au séquençage du premier génome humain. Et c'est vrai que, donc, on est au début des années 2000 et qu'à ce moment-là, comme vient de le dire Pierre Tambourin, on pense encore qu'un gène cause une maladie, qu'il y a des liens de causalité qui sont assez simples, assez directs et que donc on va pouvoir accéder très rapidement à de la thérapie génique, donc à du soin via ce séquençage complet. Voilà, le séquençage donnait de grands espoirs sur la compréhension non seulement de toutes les maladies génétiques qui obéissent à un modèle simple, je dirais les maladies mendéliennes. Il y a encore du travail, mais on a beaucoup avancé. Et puis, on pensait pouvoir faire assez rapidement le tour de ce qu'on pourrait appeler des maladies communes, multifactorielles, hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, peut-être certaines maladies neurodégénératives. Et on s'est aperçu que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'on le pense, avec notamment des interactions, gènes-environnement ou variants génétiques et environnement. Donc on continue d'avancer. Et peut-être avant cela, je dirais qu'il y a eu, il faut savoir que quand même, dans le domaine, une grande part de nos connaissances est liée, vous l'avez dit, aux technologies. Nos technologies nous permettent d'avancer de façon formidable. Et je dirais qu'il y a eu, avant l'apparition du séquençage très haut débit, et après le séquençage du génome humain, il y a eu entre les deux, ce qu'on appelle les études d'association génome entier. Racontez-nous en quoi consistent ces études. Alors, ce sont des études qui permettent, qui reposent sur le fait qu'on a identifié dans notre population, je dirais mondiale, et on a fait des études sur plusieurs groupes ethniques, on a pu identifier des variants qui ont la capacité d'être polymorphes, c'est-à-dire assez variables d'un individu à l'autre dans, dans la population générale. Et on s'est aperçu qu'on a un très très grand nombre de variants, y compris dans nos parties codantes, c'est-à-dire dans l'ensemble de ce qui va devenir protéines dans nos gènes. Il y a plus de 7 millions de variants, je pense, qui ont été rapporté dans un article très important d'un consortium qui s'appelle EXA, qui a examiné donc ce qu'on appelle des exomes. Mmh. Mais donc, toujours est-il que, d'une part, on a identifié un très grand nombre de variants fréquents dans la population, distribués sur l'ensemble de nos chromosomes. On a pu savoir quels étaient les variants qui étaient associés à d'autres, qui étaient dans notre jargon ce qu'on appelle en déséquilibre. Et on a construit, donc c'est un projet international, une carte de ces variants qui s'appelle HapMap. Et si on a pu aussi tout faire ça, c'est parce que d'un point de vue technologique, on avait la capacité de mettre sur une lame d'une surface d'un centimètre carré des dizaines, centaines de milliers de ces variants. Et donc ce qui permettait d'hybrider le génome d'un très grand nombre de sujets pour un très grand nombre de variants. On est vraiment dans le big data en train de se construire. Et donc on a vu apparaître ces études, dans notre jargon on appelle ça des GWAS, pour Genome-Wide Association Studies, ou des études d'association génome entier. Et donc on est en train, voilà, on a commencé à identifier des variants qu'on trouve plus fréquents dans le groupe des cas, patients atteints de telle ou telle maladie, par rapport à un groupe témoin. Et avec des variants d'une signification très très, d'un point de vue scientifique, très solide. Alors, je pense qu'on va y revenir. Alors, on sait que tel variant est associé à un risque de cancer du sein, mais avec des petits p qui sont 10-20, 10-30, chose extravagante. Mais l'augmentation du risque en elle-même est très faible. C'est 1,02, 1,01. Ce qui veut dire que de ce variant, d'un point de vue clinique, on ne fait rien. Et il y a un gap, un espace, entre ces variants identifiés de façon scientifique, de façon très solide, et l'utilité clinique qui aujourd'hui est nulle. Alors je pense qu'on va y revenir tout à l'heure dans les applications médicales, avec notamment les sociétés privées qui font des tests, etc. On y reviendra, et puis on va surtout aussi un peu avancer dans le temps. Peut-être un dernier mot, Pierre Tambourin, justement sur ce continent qui s'ouvre une fois qu'on a séquencé le génome humain, et ces premiers travaux qui sont, comme vient de le dire Dominique Stoppa-Lyonnais, cette volonté de recenser l'humanité, de comprendre ce qui nous différencie, de comprendre ce qui nous rapproche. C'est la première... Et puis de comprendre aussi ce qui nous rend malades les uns et les autres, oui, alors, de façon différente. Vous insistez beaucoup, bien entendu, sur la maladie humaine, ce qui est quand même une des préoccupations majeures de chacun de nous. Et Dominique est bien placé pour en parler, puisque cancérologie, ça joue un rôle clé. Mais n'oublions pas que toutes ces découvertes ont aussi leur importance pour le monde vivant en général. Bien sûr. Et la connaissance des génomes de la planète, d'une certaine manière, va nous renseigner beaucoup sur beaucoup d'interactions et de facteurs environnementaux cruciaux pour le maintien de la biodiversité, etc., etc. Dernier point, toutes ces découvertes ont des répercussions industrielles et financières. C'est d'ailleurs, alors que la biotechnologie, la biologie étaient relativement ignorées des financeurs jusqu'à ces années qu'on vient d'évoquer, on voit apparaître brutalement des montagnes d'argent pour aider à faire sortir de la recherche des projets qui sont plus ou moins sérieux, mais qui sont très prometteurs, au moins dans l'esprit de ceux qui les portent. Et ça, c'est une dimension nouvelle aussi qu'on connaît en biologie, donc la naissance de ces entreprises de biotechnologie qui promettent pour certaines de vous dire quelle a été votre histoire passée, votre futur, pourquoi pas, avec un brin de fantaisie qu'ils n'annoncent pas, bien entendu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h18, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons de génomique et de cette histoire assez folle de 40 années de découverte, de connaissance de l'ADN, de l'hérédité, des mécanismes de l'hérédité et d'une connaissance qui se complexifie de décennie en décennie pour arriver donc à aujourd'hui. On vient d'en évoquer une partie, puisque si on pense que la génomique a atteint son âge d'or, après le séquençage du premier génome humain, personne ne se doute qu'on vient en fait que d'entrouvrir une porte, notamment du point de vue technique, vous l'évoquiez tout à l'heure, Dominique Stoppa-Lyonnais, puisqu'avec l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, la précision des robots va apparaître à la fin des années 2000, vous en parliez, donc le séquençage à haut débit, vous parlez du Big Bang de la génomique, Dominique Stoppa-Lyonnais. Big Bang de la génomique, oui, parce que on est passé, Pierre Tambourin l'évoquait, identifier une mutation, il fallait 2 ou 3 ans de travail, faire une banque génomique. Enfin, c'était une grande souffrance pour les étudiants, mais qui était aussi couronné de succès, puisqu'on pouvait, dans un certain nombre de cas, identifier des gènes responsables. Et aujourd'hui, on est dans une situation inverse. Mais qui est intéressante, c'est que c'est devenu très facile de séquencer. Mais savoir dire avec certitude, ce gène-là qui est porteur d'une altération, c'est bien le gène que je recherche, ça va pas toujours, ne va pas toujours de soi. Peut-être juste un point, quand on a commencé à identifier les gènes, parce que d'abord on les localisait par des études de liaison génétique dans des familles à cas multiples, on avait peu de chances de se tromper quand on trouvait que tel gène était dans la région d'intérêt, était porteur d'une mutation présente chez les sujets malades. Mmh. Aujourd'hui, finalement, on a une approche génome entier. On trouve des tas de choses, ne serait-ce que parce qu'on sait que nous avons, et c'est les études exomes, un très grand nombre de variants qui sont associés à des pertes de fonction de protéines. Et on a une assez bonne tolérance finalement aux pertes de fonction dans notre génome. Sans que ça déclenche, vous voulez dire, sans que ça ait des conséquences physiologiques. Exactement. Et comment trouver la bonne information dans tout ça, c'est pas si simple. Et peut-être juste un dernier point, je trouve très important, c'est que il faut bien faire la différence entre les données de séquence, qui aujourd'hui sont assez faciles, et puis les informations que l'on tire de ces données de séquence. Il peut y avoir encore un gap entre les deux. Les données de séquence, c'est-à-dire les lettres, la succession des lettres brutes et leur interprétation. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Et quand on dit le génome entier est à 1000 euros, l'exome, c'est-à-dire les séquences codantes encore moins, ça c'est l'obtention des données de séquence. Mais le temps du biologiste ou du scientifique derrière pour interpréter tout ça est bien plus important. On reprécise pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre effectivement que l'exome, c'est la partie du génome qui est considérée comme codante. Et on va voir que sur la notion de partie codante ou non codante, les frontières sont devenues aussi un peu plus floues récemment. Nous arrivons à aujourd'hui où la technique s'est encore perfectionnée. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à la plateforme de séquençage génomique Paris-Centre à l'École normale supérieure. Et oui, la technique va encore se perfectionner puisqu'aujourd'hui on est au séquenceur de troisième génération, plus petit, moins cher, ils sont plus pratiques, mais ils ne remplacent quand même pas les anciennes machines. J'ai rencontré le directeur Stéphane Lecrome qui m'a présenté les différentes machines de deuxième et troisième génération. Mais au-delà du séquençage, c'est vraiment le traitement et l'analyse des données qui occupent le cœur du métier. Donc ici dans cette pièce, on a principalement des équipements de séquençage de seconde génération, d'Illumina, donc un iSeq et un exSeq. L'idée, c'est d'utiliser une flow cell qui représente en fait une sorte de sandwich de deux lames de verre dans laquelle on va charger les échantillons. Donc c'est grand comme une lame de microscope. On va charger les échantillons et le système va, par synthèse, ajouter les bases les unes après les autres et lire les séquences cycle après cycle. On arrive aujourd'hui à mettre tellement de séquences sur cette lame qu'on a intérêt à mélanger plusieurs échantillons à la fois. On parle de multiplexage pour baisser le coût de l'expérience par échantillon. Et donc le système va effectivement faire l'acquisition sur toute la surface de la lame de l'ensemble de ces échantillons-là en même temps. Donc là, on est sur la troisième génération de séquençage. C'est une machine d'Oxford Nanopore. Donc, vous voyez, la taille est relativement petite. Elle fait 5-6 cm de long. Donc ça, c'est le séquenceur. Cette machine-là, c'est un séquenceur qu'on peut emporter avec soi. Sur ce séquenceur, on va mettre une flow cell ici, qui fait à peu près la même taille que la lame de verre que je vous ai montrée avant. Et puis, donc, vous avez un circuit électronique qui est inclus dans le système, ce que vous n'aviez pas avec Illumina, le circuit électronique est dans la machine. Là ici, il est avec la flow cell. Et en fait, on va déposer ces échantillons. Ils vont migrer avec les réactifs et puis être analysés ici au niveau de la membrane où se trouvent les pores protéiques qui vont réaliser le séquençage. En fait, on va avoir le passage de la molécule d'ADN unique au travers du port, et au moment où elle passe, on va détecter le signal électrique et on va avoir l'analyse de la séquence. L'intérêt ici principal, c'est que contrairement à la technologie de seconde génération où en fait on devait d'abord amplifier les molécules d'ADN pour pouvoir les séquencer, ici on n'a pas besoin de le faire, on peut les séquencer directement. Et puis surtout, avec la technologie de seconde génération, l'étape de lecture des séquences est découplée de l'étape de la fabrication de la séquence, alors qu'ici, on a la lecture qui se fait en même temps, en temps réel. L'autre intérêt aussi, comme vous le voyez, c'est que le séquenceur il fait quelques centaines de grammes, alors que celui que je vous ai présenté avant, le iSeek, il fait 300 kilos. Donc c'est beaucoup plus facile à transporter. Et puis en termes de coût aussi, on est sur des machines qui font plusieurs centaines de milliers d'euros chez Illumina, alors que là, on est sur une machine qui va coûter un millier d'euros. Donc ici, on est plutôt dans la partie expérimentale. Je m'appelle Corinne Blujon. Alors là, je suis en train de vérifier la quantité de mes échantillons. Il s'agit d'échantillons qui viennent de souris. J'ai des nerfs sciatiques et des cerveaux, toute une série. Et les chercheurs qui travaillent sur ce projet veulent comparer la différence d'expression des gènes entre le cerveau et le nerf sciatique dans leurs conditions particulières. Je suis Amara Mohamed et je suis assistante ingénieure sur la plateforme. Vous avez vu le séquenceur tout à l'heure dans la pièce. Et en fait, c'est Amara qui a participé beaucoup sur toutes les mises au point et les développements technologiques de ce nouveau séquenceur. Alors oui, pour le séquençage long read, je me suis occupée de la préparation des librairies sur les échantillons du modèle Crux 20, les échantillons KO versus les échantillons sauvages. En fait, ici, deux activités au sein de la plateforme. Une activité expérimentale, et puis après on a une partie bioinformatique où en fait on va aider les utilisateurs au traitement des données. Ce sont des compétences que n'ont pas toujours forcément les biologistes, ou ils n'ont pas tout le temps accès à un bioinformaticien qui va pouvoir les aider. Donc on essaie de les accompagner dans un traitement un peu automatisé des données qui leur permet d'aller le plus loin possible de façon indépendante. Mon travail ici, c'est développer des pipelines d'analyse pour traiter les données brutes de séquençage, après avoir les données qui vont servir ensuite de base à l'analyse secondaire. Et enfin, dans le cadre de cette analyse-là, on souhaite identifier les gènes qui sont différemment exprimés entre deux conditions. Donc on a par exemple un animal sauvage, un animal mutant, et on souhaite savoir quels sont les gènes qui sont exprimés dans l'un et pas dans l'autre. Dans ce qu'on apprend classiquement, on se dit, voilà, il y a un gène, il y a un transcrit, et puis après, il y a une protéine. Mais en fait, entre chaque étape, il y a plein de possibilités, et en fait, c'est ces possibilités qui font que une cellule est différente d'une autre, qu'un animal est différent d'un autre. Et donc, du coup, on peut avoir plus accès à ces étapes de régulation que ce qu'on avait avant, quoi. On progresse beaucoup avec cette méthode. En fait, on a vu une évolution de la façon d'analyser les échantillons en génomique. On travaillait plutôt à l'échelle des populations d'individus. On a étudié par exemple, la façon dont les Européens étaient différents des Asiatiques ou des Africains. Et puis, avec le séquençage de seconde génération, on travaille aujourd'hui à l'échelle de l'individu. On va faire de la métagénomique pour comparer, par exemple, le microbiote intestinal dans différents types d'individus, regarder les cellules cancéreuses dans leur hétérogénéité, savoir comment est-ce qu'on peut traiter les maladies. Et avec l'évolution des technologies, on va pouvoir aller à l'échelle de la cellule. On va pouvoir regarder dans une cellule comment la dynamique des transcrits se met en place, comment les chromosomes sont organisés à l'intérieur du noyau, comment se fait en fait toute la vie de la cellule. C'est probablement vers là que vont aller les évolutions des technologies de séquençage. Le reportage du jour sur ces toutes dernières technologies dites de troisième génération de séquençage. Vous avez pris beaucoup de notes, Dominique Stopalionnet. Quelles sont vos réactions à l'écoute de ce reportage? Je trouve que c'est un reportage très bien fait, qui combine à la fois, Catherine expliquer les apports technologiques et surtout ce qui est important, c'est finalement, je crois qu'on est jusqu'à maintenant, on était dans un aspect, je dirais, qualitatif de la séquence. C'est-à-dire on détermine la succession des nucléotides, des paires de bases. Et là, on va vers un modèle aussi quantitatif, c'est-à-dire qu'on va avoir une excellente représentation dans un échantillon donné, au niveau d'un tissu, voire d'une cellule, notamment de l'ensemble des transcrits. C'est très utile pour les transcrits. Aujourd'hui, on a une idée un peu sobre, un peu simple, un gène, un transcrit. Alors, on sait que c'est pas si simple que ça, mais quand même. Et donc là, ça va permettre d'apporter de nouvelles connaissances formidables en biologie. Pierre Tambourin, une réaction à ce reportage aussi sur cette dernière génération. Je me joins à Dominique pour dire que c'était un excellent reportage, surtout qu'il me faisait toucher du doigt l'évolution extraordinairement rapide de ces technologies. Quand je suis arrivé à Ivry en 98, j'étais très fier de montrer une salle de séquenceur qui devait faire 40 mètres sur 30. et avec chacun à l'intérieur une trentaine, une cinquantaine d'ailleurs de séquenceurs, et ça justifiait beaucoup naturellement les investissements qu'il fallait faire. Aujourd'hui, quand vous montrez un séquenceur qui a la taille d'une boîte d'allumettes ou un peu plus, une grosse boîte d'allumettes, ça inspire moins les financeurs à participer entièrement. Mmh. Mais ceci est évidemment une anecdote amusante. Donc c'est vraiment, on a un progrès fabuleux. Et d'ailleurs, le séquençage en tant que tel, en tant que technique, comme le disait très bien Dominique il y a quelques minutes, ne sera plus le problème. Le problème sera l'interprétation de ce qu'on va lire en très grande quantité. Et là, il va falloir qu'on renonce à une culture qui est la nôtre depuis toujours, enfin en tout cas la mienne depuis longtemps, qui est cette culture mendélienne dont parlait Dominique. En fait, la génomique et la génétique sont des mondes qui méritent une réévaluation dans leur méthode et dans leur façon d'interpréter. La culture, ce que vous appelez la culture mendélienne, c'est un gène intranscrit. Une maladie dans certains cas, et vice-versa. C'est ça, c'est-à-dire qu'un gène n'aurait qu'une expression et ne servirait, n'aurait qu'un seul rôle, en quelque sorte. Entre l'éléphant et la bactérie, il n'y a pas de différence. On est tous baignés dans cette culture initiale. On sait aujourd'hui que c'est un tout petit peu plus compliqué. On a entendu quelque chose d'intéressant aussi, Dominique Stopalionek, qui est quelque chose qui vient d'arriver et qui est très récent. On a pu aussi en parler autour de cette table. C'est ce que disait l'intervenant à la fin du reportage, c'est-à-dire l'accès au métagénome. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une approche qui est devenue, comme vous le dites, totalement une approche quantitative, c'est-à-dire qu'on peut mettre, je disais dans l'introduction, une goutte d'eau de mer et savoir à peu près quels sont les organismes qui sont à l'intérieur, mais c'est vrai aussi pour les tissus complexes, c'est vrai pour un certain nombre de tissus vivants ou de... Alors voilà, pour les métagénomes avec une application formidable qui est celle du microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui sont dans notre système digestif, mais on fait aussi maintenant, on regarde le microbiote du pharynx, de la peau, etc. Et là encore, ce sont des sources de connaissances formidables. Et moi, il y avait une chose qui m'avait fascinée, c'est quand Jean Weissenbach étudiait, au Génopôle, les bouts d'épuration. Oui. C'est un projet, ça s'appelait comment ce projet? C'était formidable. Je me souviens plus de son nom, je me souviens avoir mis en contact Jean avec une des grandes entreprises qui fait ce genre de problème et qui, au fond, avait été au niveau du Moyen-Âge. C'est-à-dire, en gros, de temps en temps, l'eau d'épuration tournait mal, si je puis dire. On mettait de l'eau de Javel, on détruisait tout et on déversait ça dans l'environnement. Aujourd'hui, on est capable de suivre ces milieux complexes qui sont très... Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, on ne connaîtra jamais individu par individu dans une population complexe. En gros, justement, l'intérêt de ces génomiques à grande échelle et de ce métagénome, c'est d'appréhender une population dans sa complexité, dans sa diversité, sans avoir la prétention, je crois, d'identifier élément par élément, sauf dans certains cas, comme ça vient d'être démontré, où le rôle d'une bactérie dans, par exemple, le côlon irritable, où on vient de démontrer que cette bactérie faisait sécréter des endorphines locales qui permettaient de calmer les choses. Et quand cette bactérie n'est pas présente, c'est là où la maladie se déclare. Et là, évidemment, on passe de la population globale à une sous-population d'intérêt. Oui, parce qu'il y a aussi ce qui est formidable, c'est que, par exemple, ces bactéries, je pense, dans notre système digestif, voire aussi, je reviens sur les bouts d'épuration, ce sont des bactéries, bien souvent, dont une partie ne sont pas cultivables. Pas du tout. On ne peut pas les cultiver, donc on ne peut pas les isoler des colonies, donc on n'avait pas accès. Et c'est finalement, on a accès quasiment, je dirais, à leur identité via leur ADN. Et c'est ensuite des... Alors, surtout pour les travaux, je dirais, on peut se dire à quoi ça sert de faire les bouts d'épuration, mais avec l'idée d'avoir une très grande, je dirais, diversité de notre biodiversité. Global, un inventaire global. Exactement, d'avoir un inventaire de la vie, du vivant, et de voir comment l'ingéniosité du vivant a permis finalement la survie, enfin la vie tout simplement, d'un certain nombre d'organismes. Et donc c'est des sources de connaissances sur les multiples enzymes, donc c'est très important, je trouve. On découvre des nouveaux mondes, les micro-organismes dans le sol sont des mondes en tant que tels. Les micro-organismes dans les eaux. On parle de microbiote aussi pour les plantes, sur les racines, pour les sols. Et puis il faut préciser, ce sera peut-être un dernier mot rapide sur cette question de l'évolution de la technique qui permet le séquençage. Il faut préciser que toutes ces analyses sont aussi rendues possibles par l'évolution des puissances du calcul des ordinateurs qui nous permettent de traiter massivement les données, ce qui n'aurait pas été le cas et ce qui n'est plus accessible compte tenu de la quantité de données collectées par une simple équipe de chercheurs aujourd'hui, Dominique Stopalionek. Oui, tout à fait. Donc, comment dire, Vous l'avez très bien dit, c'est la rencontre de la technologie, de la microfluidique et puis de l'informatique. Et d'ailleurs aujourd'hui, peut-être Pierre, je pense que on va parler du projet France Médecine Génomique. Bien sûr, on va en parler dans 2 minutes. Parce que Pierre a eu un rôle majeur dans sa construction, dans son élaboration. Et j'en dis un mot là, parce qu'on va, même si on va en reparler, parce que la bioinformatique est au cœur du projet, avec la nécessité de rendre cette bioinformatique, je dirais, accessible, incluse dans le parcours génomique du patient. On va, je pense, en reparler. C'est ce que disait aussi Dominique tout à l'heure. En fait, quand on a un gène, une mutation bien connue, etc., on peut à coup sûr prédire ce qui va se passer. Encore que, il y a peut-être des surprises à attendre. Mais en gros, on sait. En revanche, dans tous les autres cas, nous sommes soumis à ce que vont nous dire les algorithmes que nous avons nous-mêmes conçus pour qu'ils puissent nous informer. Donc là, il y a un piège auquel il faut faire attention. C'est-à-dire qu'en gros, il faut avoir présent à l'esprit en permanence que ces méthodes très puissantes doivent être validées constamment. Et ça, c'est un des défis actuels liés à l'accélération des méthodes, des technologies, que de prendre le temps en temps, de vérifier que ce que l'on dit et ce que l'on fait est bien conforme à la réalité biologique. Le gène indigène se gêne pas. Il s'insinue entre les autres gènes et personne ne le voit. Le gène indigène se gêne pas. Caché entre les chromosomes, il fout la zone. Quand il est là, le gène n'est pas plaisir. Le gène entre qui est là. Les maïs sont forts, la petite graine. Consommateur. Aujourd'hui on le connaît, mais demain on ne sait pas ce qu'on deviendra si Eugène dégénère. Il a semé le trouble dans l'esprit des génies, gros mauvais petit génie de la biologie, qui caresse l'espoir d'atteindre la gloire et peut-être aussi quelques millions de dollars en bricolant la nature dans leur laboratoire. Eugène, Eugène, indigène, se gêne pas. S'insinue entre les autres gènes et personne ne le voit. Le gène indigène se gêne pas. Caché entre les chromosomes, il fout la zone. Chercheur pervers ou joueur de poker menteur, coup de bluff média devant les caméras. Les industries cupides manipulent sans scrupule l'argument de la fin justifiant les moyens. Mais qui avance et qui recule quand on trafique dans les idées que les molécules. Comment veux-tu que, comment veux-tu que les poèmes anti-OGM puissent empêcher l'expansion des pollens et autres poussières, des gènes aériens ventilés dans le système. OGM, OGM. Le gène sur France Culture de Charles-Élie Couture. Il est à 16h37, nous parlons de génomique tout au long de cette heure et de 40 ans d'évolution. On a pu voir dans la première partie de cette émission que les choses avaient bien évolué depuis le séquençage du premier virus, du premier génome entier d'un virus en 1977. Nous en parlons avec Dominique Stoppa-Lyonnais, professeur de génétique à la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes et directrice du service génétique de l'Institut Curie, et Pierre Tambourin, ancien directeur général de Génopôle à Évry et membre de l'Académie des technologies. On l'a vu, hein, cette histoire de la génomique, c'est un peu l'histoire du tiroir, non pas à double, à triple, mais à quadruple fond. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on découvre qu'on peut aller plus loin, que l'histoire, que tout ça est beaucoup plus complexe que ce que l'on imaginait jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui est une promesse que l'on entend tenir depuis quelques années maintenant autour des progrès de la génomique, et notamment grâce à l'accélération et à la facilitation du séquençage du génome. C'est celle de l'accès à une médecine dite de précision, une médecine stratifiée, une médecine personnalisée. Comment faut-il l'appeler, Dominique Stoppa-Lyonnais, cette nouvelle médecine que nous promet la génomique? Moi, je dirais plutôt médecine... Moi, j'aime bien l'expression médecine stratifiée. Je trouve que c'est celle qui dit le mieux les choses. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, il s'agit de sous-grouper les patients en fonction de caractéristiques qui peuvent être diverses, mais en particulier quand même génétiques. Mmh. La génétique a un rôle majeur. Et finalement, avec des éléments de stratification que ne voit pas le clinicien. Par exemple, je prends des personnes atteintes d'un cancer donné, d'une localisation donnée. Prenons le cancer du sein au hasard. Alors, même si les anatomopathologistes, il faut leur rendre hommage, ont déjà un peu sous-groupé, stratifié en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, par exemple la présence de récepteurs hormonaux. Mais l'étude du génome tumoral est en train d'être plus précise, enfin, d'augmenter cette stratification avec derrière, par exemple, des groupes de patients dont le pronostic de la maladie est différent, dont les cibles thérapeutiques sont différentes. Donc, il s'agit plutôt de faire des sous-groupes de patients, donc de stratifier. Alors maintenant, l'expression médecine personnalisée, elle plaît beaucoup, elle est formidable, tout le monde se l'arrache, même si depuis tout temps la médecine est personnalisée par essence. Mais elle donne peut-être un peu, Pierre Tambourin, une fausse idée de ce que peut proposer la génomique, c'est-à-dire l'idée de dire à un moment donné, on va prendre une goutte de sang, paf, mon génome va sortir, et puis la machine va tout de suite dire, ah attention, il y a tel gène qui risque de faire telle maladie, tel gène qui risque de faire telle maladie. Ça, pour le moment, c'est non seulement exclu, mais c'est même une pensée un peu dangereuse. Oui, c'est même une pensée dangereuse, parce qu'il y a un déterminisme dans ce que vous venez de dire qui est loin d'être la réalité quotidienne. En revanche, je crois qu'il faut se réfugier derrière une espèce de formule toute faite, mais qui est vraie. Nous sommes tous inégaux face aux maladies. Une partie de cette inégalité vient de l'environnement, bien entendu. Celui qui fume beaucoup est tout de même plus exposé à certaines pathologies que celui qui ne fume pas. Mais c'est aussi une partie liée à notre génétique individuelle. Et tout ce qu'a évoqué Dominique depuis le début tient à la capacité de la génomique d'essayer de caractériser les déterminants génétiques qui vont nous prédisposer. Je ne parle pas de maladie génétique classique, je parle de prédisposition, ce qui ramène à une génétique beaucoup plus complexe, comme on l'a déjà dit. Du côté des médicaments, c'est exactement la même formule qu'on peut employer. C'est-à-dire que nous sommes tous inégaux face aux médicaments. Et j'ai aussi souvent l'exemple d'un sel de platine qui se révélait extrêmement toxique chez sel de platine utilisé contre le cancer. Mm-hmm. Et qui, chez certains malades, se révélait extrêmement toxique à telle enseigne qu'on a tué certains malades au départ par manque de connaissances. Et on s'est rendu compte qu'un des gènes qui est responsable de la dégradation de cette molécule dangereuse par elle-même, puisque tous les traitements anticancéreux souvent ont comme vocation à tuer les cellules anormales en préférence, mais aussi malheureusement certaines cellules normales. Et bien, on s'est rendu compte que l'enzyme qui dégradait ce produit anticancéreux était déficiente chez certains malades, ce qui expliquait qu'évidemment le médicament s'accumulait et en s'accumulant tuait le malade. Donc on voit bien que cette pharmacogénétique existe déjà depuis un bon moment, comme le disait à l'instant Dominique. L'idée, c'est de généraliser cette approche à tout un ensemble à l'ensemble du génome d'un malade. Alors, soit le génome du malade lui-même, ce qui n'était pas le cas qu'évoquait Dominique à l'instant, qui était le génome de la tumeur. Oui, le génome de la tumeur, voilà, c'est ça qui est intéressant. Lui, permet de dire, dans cette tumeur-là, et ça c'est vraiment particulièrement utile aux cliniciens, il y a telle altération, et pour peu qu'on ait un médicament qui sache reconnaître cette altération, ce qui est encore trop rare, beaucoup trop rare par rapport à ce que l'on connaît des modifications du génome d'une cellule cancéreuse, puisque je crois que c'est une vingtaine de médicaments pour l'instant connus, alors qu'il y a probablement plusieurs centaines de modifications du génome qui peuvent être responsables au premier chef du développement d'une cellule cancéreuse. Donc on voit bien le gap qu'il y a encore. Mais en gros, l'idée de connaître les altérations présentes dans une tumeur donnée, avec toute sa variabilité par ailleurs, pour utiliser le bon médicament reste quand même quelque chose de pertinent. Et ça, là, on revient à la stratification très bien décrite par Dominique. C'est-à-dire, en gros, si j'arrive à dire ce malade a cette altération et il existe ce médicament ou ne l'a pas, évidemment, ça détermine le geste du clinicien. Alors, tout ça, c'est un peu simplifié. Bien sûr. C'est beaucoup plus complexe par ailleurs. Mais par exemple, dans les maladies d'une autre nature, comme l'hypertension dont on parlait également, quand vous discutez avec Pierre Corvol, qui est un grand spécialiste mondial de ces questions-là, il vous dit l'intervention de la génomique, c'est-à-dire le choix du bon médicament. Pourtant, il y a 5 ou 6 classes de médicaments dans l'hypertension. Eh bien, vous êtes incapable de relier le médicament A à tel génome plutôt que le médicament B, etc. C'est encore quelque chose de puzzling, comme on dirait. Qui pose question. Ce qui est important, parce que vous avez souligné, Pierre Tambourin, l'influence de l'environnement. Évidemment, si je suis fumeur, je provoque par mon comportement les chances de développer plus de chances de développer un cancer du poumon que quelqu'un qui ne le sera pas. Néanmoins, ça n'est pas tout à fait vrai en fonction de mes prédispositions génétiques là aussi. Et on s'est rendu compte, Dominique Sopalionnet, et nous en avons parlé d'ailleurs avec Edith Heard qui vient de remporter, qui a été couronnée du Grand Prix de recherche de l'Inserm 2017 autour de cette table, qui était assise à votre place d'ailleurs, que cet ADN poubelle que l'on décrivait, qu'on considérait comme de l'ADN poubelle, c'est-à-dire 98% de l'ADN chez l'être humain, eh bien, n'était pas si poubelle que ça et pouvait avoir des rôles extrêmement importants qui sont apparus très récemment. Oui, effectivement, une partie de l'ADN non codant, en fait, on s'est aperçu qu'il était extrêmement conservé au cours de l'évolution. Et s'il a été conservé au cours de l'évolution, c'est que il sert à quelque chose. Voilà, et on est en train de découvrir que voilà, au moins une part de cet ADN a un rôle dans l'expression des gènes et probablement aussi dans la différenciation cellulaire. Finalement, il faut bien avoir en tête que notre ADN est le même dans toutes nos cellules. Pourtant, la plupart de nos cellules sont très différentes. Entre une dent et un œil, il y a une différence. Voilà, une différence. Et donc la compréhension des mécanismes de la différenciation cellulaire est majeure, et notre ADN non codant a un rôle très important. Mais vous évoquiez aussi autre chose, qui est l'épigénétique, c'est-à-dire là, on touche du doigt le lien entre l'environnement et puis la modification, là encore, de l'expression de tel ou tel gène ou une modification de séquence régulatrice de tel ou tel gène. Et c'est évidemment un champ de recherche majeur pour sortir de ce déterminisme qui est collé à la génétique. Voilà. Et qui est apparu dès qu'on a, voilà, on a trouvé l'ADN. On s'est dit, puisque nous avons ça, c'est que nous sommes comme ça. Et on se rend compte aujourd'hui, évidemment, qu'il y a un delta qui est en grande partie que recelé par les paramètres épigénétiques. J'aimerais qu'on revienne à ces questions de thérapie. Alors on a longtemps entendu parler de thérapie génique. Aujourd'hui, on entend parler d'un plan France médecine génomique que vous évoquiez tout à l'heure, Dominique Stoppa-Lyonnais. Comment aujourd'hui la génomique peut à ce point rentrer, parce que pour le moment tout ce dont on parle c'est de façon relativement expérimentale, même s'il y a quelques traitements. Voilà, on est c'est de la recherche, hein, il faut bien dire que tout ça est en général toujours en phase d'essai clinique. Comment est-ce que la génomique peut vraiment durablement modifier le soin apporté aux patients, et comment est-ce qu'on peut la faire entrer, je dirais, évidemment dans les traitements hospitaliers, mais aussi, pourquoi pas, jusqu'à la médecine de ville? Bien, le plan France Médecine Génomique, mais donc c'est vraiment à Pierre Tambourin de le présenter. Et puis moi je dirais peut-être ses applications, quelques mots sur le parcours génomique. Oui, mais comme vous venez de très bien le dire, on passe actuellement de la recherche, du laboratoire de recherche très spécialisé, très compétent. On a entendu tout à l'heure une interview d'un de ces laboratoires remarquables, mais qui fait de l'expérimentation pour comprendre. C'est utile pour le médecin, bien entendu, de temps en temps. Ça n'est pas tourné vers la seule médecine. Là, le coût du séquençage d'un côté, le développement des méthodes à haut débit de l'autre, la puissance de l'informatique nous autorise à penser qu'aujourd'hui, il est possible de passer du laboratoire de recherche à l'hôpital, si je puis dire. C'est-à-dire, en gros, doter les hôpitaux français de moyens de génomique qu'on trouvait jusque-là dans les laboratoires de recherche, avec comme vocation une vocation de soins, de diagnostic et de soins. Pas seulement de diagnostic, hein, de diagnostic et de soins. Alors, dans certains cas très particuliers, la maladie la plus en vue pour tout ça, c'est le cancer, bien entendu, puisque là, comme je l'ai dit il y a un instant, il y a des médicaments ciblés qui reconnaissent une altération génétique précise et que le médecin est en droit d'espérer de cette utilisation un effet thérapeutique meilleur. Ce qui n'est pas absolument encore certain, sauf dans certains cas très particuliers, mais en gros, ça reste à démontrer. Il y a les maladies génétiques rares aussi qui sont éligibles à cette approche, par exemple pour éviter ce qu'on appelle l'errance médicale. Vous savez que quand dans une famille il y a un enfant malade, pour les parents c'est un vrai calvaire que d'aller d'un service à l'autre pour n'obtenir souvent que des réponses très partielles, voire pas de réponse du tout. Et donc l'idée de la génomique, c'est d'apporter une réponse au médecin et donc au malade, permettant d'éviter cette errance médicale. Cette errance de diagnostic qui est source de souffrance pour les familles, bien sûr. Et le troisième volet, mais qui est à mon avis beaucoup plus lointain, de l'ordre de quelques années minimum, c'est l'application de toutes ces technologies aux maladies classiques, toujours pour stratifier et surtout éviter, par exemple, de donner un médicament à quelqu'un chez qui ce serait particulièrement nuisible. Déjà, si on a ce progrès, c'est déjà quelque chose. Et l'idée d'arriver vers, dans 5-10 ans peut-être, et je sais que pour un chercheur, 5-10 ans, ça n'a plus beaucoup de sens, quoi. C'est d'arriver au fond à l'ensemble de toutes les pathologies humaines abordées de cette manière-là, avec des résultats plus ou moins importants selon les cas. Alors maintenant, c'est pour c'est l'intentionnalité de ce... Non, c'est en cours. C'est l'intentionnalité du plan, du plan France Médecine Génomique 2025. Absolument. Voilà, ce sont les grands objectifs de ce plan-là. Maintenant, peut-être avec vous, Dominique Sopalionnet, effectivement, quelques applications concrètes à moyen terme. Oui, c'est un plan vraiment qui est très important, qui fait rentrer la génomique dans le système de soins. Et je voudrais souligner, bon, Pierre Tremblay a très bien dit, les grands volets maladies rares, cancers, un peu secondairement maladies fréquentes. Peut-être je voudrais ajouter, même si on est encore dans un cadre de recherche, il y a un volet sur l'étude de la population générale, absolument, dite normale. Et ce qui est très important. Très important. En France, on n'a pas une culture, on n'est pas comme les Anglais, on n'a pas bien la culture cas témoins. On a les cas, on n'a pas les témoins. Et parce qu'en fait, je pense que c'est aussi très lié à l'organisation de la recherche qui est strictement hospitalière. Oui, donc on ne va pas chercher les témoins. Il y a effectivement en cours actuellement une étude de ce type en France où on s'aperçoit de la pertinence de ce que vient de dire Dominique. C'est-à-dire, en gros, la population de l'Est de la France n'est pas la même que la population de l'Ouest. Oui. Et comparer un génome d'un malade de l'Ouest à un génome de personnes normales de l'Est, évidemment, pose un problème méthodologique de fond. Donc, on est en train d'essayer de répondre à cet enjeu, ce qui est tout à fait juste. C'est très important. Et l'autre chose que je voudrais dire, sur laquelle je crois que vraiment il faut insister, c'est dans l'interprétation des données de séquence, et donc, mais aussi dans l'obtention, parce qu'on a encore, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a 9000 maladies mendéliennes qui ont été, je dirais, qui ont été identifiées, mais il y a la moitié, les gènes correspondants, véritablement caractérisés, identifiés. Je rappelle juste que les maladies mendéliennes sont des maladies dont on a absolument identifié le lien entre le gène et le transcrit, c'est-à-dire le gène et son expression et la maladie, c'est-à-dire que c'est des maladies, je me permets, peut-être de préciser que ce sont des maladies dont, je dirais, même si j'aime pas le terme déterminisme, mais dont au moins la contribution génétique est forte. D'accord. C'est en général maladie, un gène, même si pour la même maladie il peut y avoir plusieurs gènes, mais pour une personne donnée ce sera un gène. Et donc ce que je veux dire, c'est que dans le plan France Médecine Génomique, ce qui est très important, c'est d'avoir bien en tête la nécessité d'avoir une parfaite description des caractéristiques cliniques du patient. C'est ce qu'on appelle le phénotype. Mmh. Et pour l'expression du gène. Voilà, c'est la clinique du patient. C'est des caractéristiques biologiques et tout. Voilà, c'est très important. C'est très important. Et puis, on va mettre en regard la génomique. Parce qu'aujourd'hui, donc la génomique ou l'ensemble des résultats, ce sera pour une personne donnée ce qu'on appelle son génotype. Mais aujourd'hui, si on n'a pas le phénotype, l'interprétation du génotype est difficile et, je dirais, dangereuse. Et souvent, je dis que le chemin, finalement, du phénotype au génotype, c'est ce qu'on a fait avec la génétique à l'envers, avec l'identification par clonage positionnel d'un grand nombre de maladies génétiques. On avait pas peu de chances de se tromper. Maintenant, le chemin inverse, du génotype vers la prédiction d'un phénotype, là, le chemin est pentu et on peut se casser la figure si on n'y prend pas garde. Et je crois que c'est toute la vocation aussi du plan France Médecine Génomique que de contribuer à un parcours génomique cohérent des patients. Voilà. Sinon, c'est excessivement, je dirais, dangereux et des prédictions peuvent être très fantaisistes. Pierre Tremblay. Oui, non, je partage complètement ces réserves qu'il faut avoir présentes à l'esprit en permanence quand on s'adresse à quelque chose d'aussi complexe que le génome. En dehors des maladies génétiques rares, mendéliennes, comme disait avec la réserve de Dominique, le reste est quand même quelque chose de très difficile à comprendre encore aujourd'hui, et ce sera encore difficile pendant... Je rappelle l'expérience de ce que je citais de Pierre Corvol tout à l'heure sur l'hypertension, qui ne voit pas avant 10 ans, lui, mettre un lien entre la génomique et les différents traitements qui existent aujourd'hui. Les différentes pathologies. Et c'était le titre de cette émission. L'ADN a-t-il livré toutes ces informations, tous ces secrets? On voit bien, l'ADN a-t-il tout avoué? On voit bien que ça n'est pas encore le cas. Néanmoins, on voit tout de même, avec la multiplication de ces différentes disciplines, domaines de recherche, l'épigénétique, tout ce qui tourne autour du microbiote, les métabolomes, qu'aujourd'hui, on arrive tout de même à circonscrire circonscrire de plus en plus la diversité de l'expression du phénotype, non plus seulement à travers l'ADN tel qu'on l'a longtemps pensé, mais vraiment aujourd'hui grâce à tout un ensemble de facteurs extrêmement divers et qu'on connaît tout de même de mieux en mieux, Dominique Sopalionnet. Oui, je crois qu'on va avec, parce qu'il y a notre génome, tout ce qui est en, donc c'est le suffixe home finalement désigne l'entier. Donc on a le génome, mais on va aussi le protéome qui est c'est extrêmement important. Après, nous avons nos microbiotes un peu partout. Voilà, le microbiome, donc. Le microbiome, mais je dirais que nous avons des microbiotes dans tous nos tissus. C'est-à-dire là, je dirais les aspects, c'est bactériennes. Et donc, je pense que on va vers une espèce d'avatar numérique pour chacun, qui devrait pouvoir, je dirais, nous aider à mieux être en bonne santé. Enfin, si je dis ça. Tout ça est, comment dire, juste, je voudrais rappeler, histoire de jeter un froid, que quand 30% des Français fument, on peut se dire à quoi sert toutes ces prédictions, toutes ces connaissances. Enfin, mais bon. Quand j'ai des amis qui sont spécialistes du cancer du poumon et qui fument. Ça s'appelle le libre arbitre. mais bon, admettons que ceux qui veulent être en bonne santé, voilà, sont pas tout à fait même que les grands fumeurs. Mais tout ça n'est pas grave. Mais voilà, je pense que voilà, nous allons vers des connaissances de plus en plus complexes qui vont, j'en suis sûre, nous apporter beaucoup. Via la compréhension déjà des mécanismes de la physiopathologie, je pense qu'il va y avoir sûrement de nouveaux traitements, mais dont les modalités sont extrêmement différentes. Ça ira peut-être de CRISPR-Cas9, mais peut-être en revenant aussi sur la pharmacopée aujourd'hui disponible. Il y a des médicaments que l'on connaît depuis toujours, et qui pourraient être réutilisés, qui vont se réveiller. Donc il faut faire feu de tout bois, et je crois que c'est la connaissance qui nous apportera. Si je précise qu'on a volontairement un peu laissé de côté l'édition génétique au cours de cette émission, c'est parce que nous en avons déjà parlé pendant une heure au cours d'une émission dont on vous a déjà mis le lien tout à l'heure sur le fil Twitter @laméthodefc. Un dernier mot sur la suite, sur ce qu'il reste à découvrir, par exemple, au vu de cette histoire qui n'est qu'une succession de découvertes de double et de triple fond, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, aujourd'hui, Pierre Tambourin, on sait que l'ARN non codant reste un mystère. L'ARN non codant reste un mystère, même si son rôle régulateur dans beaucoup de situations physiologiques ou pathologiques apparaît de plus en plus évident, de plus en plus sûr du point de vue scientifique. Rappelez en un mot ce qu'est l'ARN non codant. Ce sont des fractions d'ADN dans le génome justement non codant qui s'expriment sous forme d'ARN et qui n'ont pas de traduction sous forme de protéines, qui sont des molécules d'ARN. Mais on sait depuis longtemps que l'ARN peut avoir des propriétés enzymatiques, peut avoir des propriétés de régulation, etc. Donc c'est donner une assise beaucoup plus solide à ces constats faits de manière un peu anecdotique dans le passé, en leur donnant une dimension scientifique d'ordre supérieur. Je ajoute simplement un mot par rapport à tout ce que vient de dire Dominique, que je partage bien entendu, c'est qu'au fond, l'accumulation des données, pour peu qu'on sache les utiliser de manière intelligente, ça va pas être simple, va nous permettre de progresser par leur simple comparaison. C'est-à-dire, nos 3 millions de différences que nous avons ensemble, ou 6 millions de différences que nous avons les uns les autres par rapport aux autres, nous ne savons pas comment les interpréter aujourd'hui. Peut-être que tout ceci nous permettra de mieux comprendre, au fond, cette complexité exceptionnelle du génome. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons également à cet avenir encore riche, comme on vient de voir, de la génomique et des différentes disciplines de recherche qui en découlent. Merci beaucoup, Dominique Sopalionnet. Merci, Pierre Tambourin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres, ainsi que un certain nombre de liens vers des études et vers des exemples qui ont été cités au cours de cette heure sur notre fil Twitter @laméthodefc. Si vous n'êtes pas sur Twitter, vous pouvez aussi retrouver ce fil sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Mathieu Lefrançois, Ève Etienne, Minaguette Saint-Vulfrance, Céline Lausanne, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse d'Incan à la technique, Victor Buton au droit d'auteur.